À l'occasion du 5e anniversaire du décès de Drujong Kim Jong-il, le secrétaire du comité central du Bloc en avant de toute l'Inde et le président de l'Association d'amitié France-Corée ont publié chacun le 16 un entretien pour apprécier haut les exploits immortels du dirigeant Kim Jong-il accomplis pour la patrie, le peuple et l'œuvre d'émancipation du monde.